Chapitre 3. Depuis longtemps, je désirais revoir le pays que j'avais parcouru jadis si délicieusement, et dont la description ne me paraissait pas complète. Quelques amis qui l'avaient goûté me sollicitaient de la continuer, et je m'y serais décidé plus tôt sans doute, si je n'avais pas été séparé de mes compagnons de voyage. Je rentrais à regret dans la carrière. Hélas, j'y rentrais seul. J'allais voyager sans mon cher Joannetti et sans l'aimable Rosine. Ma première chambre elle-même avait subi la plus désastreuse révolution, que dis-je. Elle n'existait plus. Son enceinte faisait alors partie d'une horrible masure noircie par les flammes, et toutes les inventions meurtrières de la guerre s'étaient réunies pour la détruire de fond en comble. Le mur auquel était suspendu le portrait de Madame de Haucastel avait été percé par une bombe. Enfin, si heureusement je n'avais pas fait mon voyage avant cette catastrophe, les savants de nos jours n'auraient jamais eu connaissance de cette chambre remarquable. C'est ainsi que, sans les observations d'Hipparque, ils ignoreraient aujourd'hui qu'il existait jadis une étoile de plus dans les Pléiades, qui est disparue depuis ce fameux astronome. Déjà forcé par les circonstances, j'avais depuis quelque temps abandonné ma chambre et transporté mes pénates ailleurs. Le malheur n'est pas grand, dira-t-on. Mais comment remplacer Joannetti et Rosine? Ah, cela n'est pas possible. Joannetti m'était devenu si nécessaire que sa perte ne sera jamais réparée pour moi. Qui peut au reste se flatter de vivre toujours avec les personnes qu'il chérit? Semblable à ces essaims de moucherons que l'on voit tourbillonner dans les airs pendant les belles soirées d'été, les hommes se rencontrent par hasard, et pour bien peu de temps. Heureux comme si, dans leurs mouvements rapides, aussi adroits que les moucherons, ils ne se rompent pas la tête les uns contre les autres. Je me couchai un soir. Joannetti me servait avec son zèle ordinaire, et paraissait même plus attentif. Lorsqu'il emporta la lumière, je jetai les yeux sur lui, et je vis une altération marquée sur sa physionomie. Devais-je croire cependant que le pauvre Joannetti me servait pour la dernière fois? Je ne tiendrai point le lecteur dans une incertitude plus cruelle que la vérité. Je préfère lui dire sans ménagement que Joannetti se maria dans la nuit même et me quitta le lendemain. Mais qu'on ne l'accuse pas d'ingratitude pour avoir quitté son maître si brusquement. Je savais son intention depuis longtemps, et j'avais eu tort de m'y opposer. Un officieux vint de grand matin chez moi pour me donner cette nouvelle, et j'eus le loisir, avant de revoir Joannetti, de me mettre en colère et de m'apaiser, ce qui lui épargna les reproches auxquels il s'attendait. Avant d'entrer dans ma chambre, il affecta de parler haut à quelqu'un depuis la galerie, pour me faire croire qu'il n'avait pas peur. Et, s'armant de toutes les effronteries qui pouvaient entrer dans une bonne âme comme la sienne, il se présenta d'un air déterminé. Je lus un instant sur sa figure tout ce qui se passait dans son âme, et je ne lui en sus pas mauvais gré. Les mauvais plaisants de nos jours ont tellement effrayé les bonnes gens sur ces dangers du mariage qu'un nouveau marié ressemble souvent à un homme qui vient de faire une chute épouvantable sans se faire de mal, et qui est à la fois troublé de frayeur et de satisfaction, ce qui lui donne un air ridicule. Il n'était donc pas étonnant que les actions de mon fidèle serviteur se ressentissent de la bizarrerie de sa situation. « Te voilà donc marié, mon cher Joannetti, lui dis-je en riant. Il ne s'était précautionné que contre ma colère, en sorte que tous ses préparatifs furent perdus. Il retomba tout à coup dans son assiette ordinaire, et même un peu plus bas, car il se mit à pleurer. « Que voulez-vous, monsieur ? » me dit-il d'une voix altérée. « J'avais donné ma parole. »« Eh, morbleu, tu as bien fait, mon ami. Puisses-tu être content de ta femme, et surtout de toi-même. Puisses-tu avoir des enfants qui te ressemblent. Il faudra donc nous séparer. « Oui, monsieur, nous comptons aller nous établir à Asti. »« Et quand veux-tu me quitter ?» Ici, Joannetti baissa les yeux d'un air embarrassé et répondit de deux tons plus bas. « Ma femme a trouvé un voiturier de son pays qui retourne avec sa voiture vide et qui part aujourd'hui. Ce sera une belle occasion, mais cependant, ce sera quand il plaira à monsieur. » Quoiqu'une semblable occasion se retrouverait difficilement. « Et quoi, si tôt ?» lui dis-je. Un sentiment de regret et d'affection mêlé d'une forte dose de dépit me fit garder un instant le silence. « Non, certainement, lui répondis-je assez durement, je ne vous retiendrai point. Partez à l'heure même, si cela vous arrange. » Joannetti pâlit. « Oui, pars, mon ami, va trouver ta femme. Sois toujours aussi bon, aussi honnête que tu l'as été avec moi. » Nous fîmes quelques arrangements. Je lui dis tristement adieu. Il sortit. Cet homme me servait depuis 15 ans. Un instant nous a séparés, je ne l'ai plus revu. Je réfléchissais en me promenant dans ma chambre à cette brusque séparation. Rosine avait suivi Joannetti sans qu'il s'en aperçût. Un quart d'heure après, la porte s'ouvrit. Rosine entra. Je vis la main de Joannetti qui la poussa dans la chambre. La porte se referma et je sentis mon cœur se serrer. Il n'entre déjà plus chez moi. Quelques minutes ont suffi pour rendre étrangers l'un à l'autre deux vieux compagnons de 15 ans. Ô triste, triste condition de l'humanité, de ne pouvoir jamais trouver un seul objet stable sur lequel placer la moindre de ses affections.